Et bienvenue à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1. Je m'appelle Martin et je suis heureux de vous présenter un tout nouvel épisode de la chronique Histoire du jour. Voici Histoire du jour, présentée par Martin, et ça commence tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est Histoire du jour? Eh bien je vais vous parler d'un événement qui s'est passé aujourd'hui, mais il y a plusieurs années. Aujourd'hui nous sommes le 28 juin 2017 et en 1838, c'est-à-dire il y a environ 179 ans, ça a été le couronnement de la reine Victoria. Alors cette reine-là est née le 24 mai 1819 et mort le 22 janvier 1901. Elle a été reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, aussi d'Irlande, elle a été reine du Canada, impératrice d'Inde et enfin reine d'Australie. Elle a été le second règne le plus long, car en tout ça a duré 63 ans et 7 mois. Mais le premier, le record, est donné à Elisabeth II, qui est la reine d'aujourd'hui. Son règne fait 65 ans, 4 mois et 19 jours, pile aujourd'hui. La reine Victoria est montée sur le trône à 18 ans, le 28 juin 1838, à l'abbaye de Westminster. Alors pourquoi c'est elle qui arrive au trône? Parce que son père et sa mère déjà sont morts jeunes. Ses trois frères sont aussi morts. Et avant ses 18 ans, c'était son oncle qui était au pouvoir, mais il est mort lui aussi. Après ses 18 ans, du coup, Elisabeth est devenue reine. Je vais vous passer un extrait de son journal intime que je vais réciter moi-même, où elle décrit comment elle est devenue reine. Je cite: J'ai été réveillée à 6h pile par Mama, qui me dit que l'archevêque de Canterbury et Lord Cohenman étaient là et qui voulaient me voir. Je suis sortie du lit et me suis rendue dans mon salon, et seule, je les ai vus. Lord Cohenman m'informa que mon oncle, le roi, n'était plus et avait expiré à 2h12 ce matin, et par conséquent, je suis reine. Victoria a été aussi le premier souverain à résider à Buckingham Palace. Alors, petite info pour Buckingham Palace qui m'a fait un peu rire. En tout, c'est un énorme monument, vous pouvez le voir sur Google, sur les photos, où en fin de compte, vous avez trois gros blocs qui sont reliés par des sortes de murs. Buckingham Palace, au milieu, comporte un drapeau. Alors, soit le drapeau est rouge or bleu, qui est le drapeau de la reine. Quand il est au-dessus, ça veut dire que la reine est présente sur les territoires anglais. Par contre, quand c'est le drapeau Union Jack, qui est le drapeau un peu anglais, ça veut dire qu'elle n'est absente et qu'elle n'est pas ici. C'est quand même ce qui m'a fait rire un peu. Du coup, vous pouvez voir les drapeaux sur Internet, tout ça. C'est vraiment très intéressant. Alors, dès son début, la reine Victoria a reçu une d'aide pour les civils de 28,5 millions de livres. Ça fait en tout 47,1 millions de dollars canadiens. Et avec cet argent, elle remboursa directement les dettes que son père a eues pour ne pas avoir de problème avec les autres pays. Et elle commença du coup très bien son règne. Alors, avant de finir cette chronique, je vais parler un peu d'une histoire qui s'est passée au début. Comme je l'ai dit, elle avait vraiment été aimée par le peuple anglais. Sauf qu'en 1839, Flora Hastings, qui était une dame d'honneur, a commencé à développer une odeur un peu ad a commencé à développer une rondeur abdominale. Les rumeurs disaient que John Corroy, qui était un officier de l'armée anglaise et qui a aussi eu un poste pour la gestion de la maison de la reine Victoria, l'avait mise enceinte sans les liens du mariage, ce qui était un peu mal vu et interdit à l'époque. Du coup, la reine, y croyant aux rumeurs, a commencé à dénigrer ce couple, des rumeurs, ce qui s'est passé en faisant des articles de presse, en parlant aux journaux, en disant qu'elle n'aimait pas du tout ce genre de manie et qu'elle était contre. Pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle n'aimait pas du tout Corroy. Et elle n'aimait surtout pas la femme Flora Hastings, qui était donc soi-disant enceinte. Après la mort de Flora, on découvrit par une aide chirurgicale qu'elle n'était pas du tout enceinte, mais qu'elle avait une tumeur hépatique, ce qui faisait donc gonfler son abdomen. Du coup, elle commença à se faire un peu détester par son peuple. Lorsqu'elle faisait des présentations publiques, elle fut sifflée ou appelée Madame Elbourine. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux pour me dire ce que vous en pensez. Mon Twitter, c'est LRLL espace Martin. J'espère vous revoir une prochaine fois et rester sur les ondes de Choc FM 105.1.